me a cigarette then. Give me a cigarette. Salut la compagnie et bienvenue sur ce Lloydcast épisode 6. Aujourd'hui, dans la catégorie des remarquables, je reçois un artiste qui a raté sa carrière. Oui, il a raté sa carrière parce qu'il aurait dû être circassien. Sous son chapiteau, il aurait fait jongler les mots, les aurait domptés et sur un fil se serait amusé à faire l'équilibriste avec eux. S'il est un dévot de Devos, jamais il ne le singe cet acrobate des formules. Son humour est si fin qu'il passe dans le chat d'une aiguille. Avec lui, les mots ont plus d'un sens sans interdit. Il est le petit prince de l'humour aux sourcils levés comme un accent circonflexe. Michael Hirsch, bienvenue. Merci beaucoup, Lilian. Bonjour. Comme tous mes autres invités, t'as 27 ans. Parce que c'est comme ça, j'ai décidé d'uniformiser l'âge de tous mes invités. Tu es acteur, tu es auteur, humoriste, chroniqueur. Je ne sais pas si j'en loupe encore. Non, mais c'est très bien. Moi-même, j'en loupe pas mal. Hein. Il y a une petite tradition dans ce Lloydcast, c'est que je demande à mon invité ce qu'il a envie de boire de manière virtuelle, bien sûr, puisqu'on est tous les deux via Skype. Eh bien, un Perrier avec un peu de sirop de pamplemousse. C'est ta boisson préférée ? C'est devenu une boisson, c'est drôle. En fait, c'était une moquerie au départ, parce que quand je suis dans des périodes où je joue beaucoup, je bois quasiment pas d'alcool. Et quand je jouais au Lucernaire, la directrice du Lucernaire, Karine Lutellier, se moquait de moi. Et un jour, elle m'a fait boire un Perrier pamplemousse et j'ai trouvé ça super bon parce que elle me dit bon allez tu bois une bière, je dis non je bois pas et elle m'a dit mais qu'est-ce que tu bois, je dis mais écoute je sais pas parce que là tu me prends pour un type pas rigolo, alors écoute pour te prouver que tu es un type rigolo t'as qu'à me faire ce que tu veux. Elle m'a fait je vais te faire le truc le plus bizarre que je puisse faire, c'était un Perrier pamplemousse et il s'avère qu'en fait c'est pas du tout bizarre, c'est super bon et donc depuis il m'arrive fréquemment de commander des Perrier pamplemousse. Moi je voulais d'abord t'inviter parce que je suis subjugué par toi. Je suis subjugué depuis le temps qu'on se connaît, ça fait 3-4 ans, je crois. Ça fait 4 ans, ça date des déchargeurs. Donc ça va faire 4 ans tout pile qu'on s'est rencontrés, en fait. Voilà, ça va faire 4 ans. Dans un mois. Je t'ai découvert, on jouait, nous, en première partie avec une pièce qui s'appelait Joyeux anniversaire quand même, au déchargeur. Et on m'a dit, ah, il y a un petit mec derrière qui est hyper drôle. Ça vaut vraiment le coup que tu vois Lilian parce que toi qui écris, machin, les mots, et t'aimes bien Devos et tout ça, et c'est un mec qui a l'air vraiment, c'est vraiment super ce qu'il fait. Et ça c'est Bruno, donc qui jouait dans Joyeux anniversaire quand même, ouais. Qui me disait ça, et je crois qu'il t'avait vu en amont. Et je t'ai vu, et je te croisais dans les coulisses, dans les loges avant, ouais. Et j'ai été subjugué quoi. Je me dis, putain, enfin un mec qui prend l'humour pour ce que c'est, quoi, qui va pas du tout dans des facilités, qui cherche pas à taper, à rabaisser ni à tirer sur des ambulances, et qui a une extraordinaire finesse. Et à partir de là, je suis vraiment tombé amoureux de l'humoriste et de l'auteur, et du comédien que tu es, bien sûr. On s'est fréquenté encore un petit peu derrière, enfin quand je dis fréquenté. Hein. C'est un amour platonique. Ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que sur ces 4 dernières années, je t'ai vu progresser. Dans la sphère, on va dire, médiatique et dans la sphère de l'humour, de manière extraordinaire. Et j'ai toujours vu un mec qui, malgré les salles complètes à Avignon, passait son temps, tu tractais je sais pas combien d'heures, enfin tu vas mieux le dire que moi, plutôt que je raconte tout ça, c'est moins intéressant que ce soit moi qui le dise, mais je t'ai vu en tout cas, et je termine là-dessus, travailler en permanence alors que le succès était déjà là, et j'en connais, qui, dès que le succès se pointe un tout petit peu, arrête tout. Et toi, tu as continué en permanence. Et aujourd'hui, on va en parler de tout ça, mais je suis sûr que tu continues. Ouais, tout ça n'est pas très calculé. Hein. Je crois que j'écoute et je subis ce que je suis, en fait. C'est-à-dire que pour moi, enfin, j'ai pas du tout l'impression d'être arrivé nulle part. Enfin, c'est-à-dire. Ouais, je suis très heureux de tout ce qui m'arrive. Hein. Quand je prends un tout petit peu le temps de me poser, et je regarde en arrière et je me dis, il y a 4 ans, j'étais au déchargeur. Aujourd'hui, voilà tout ce qui s'est passé en 4 ans et je suis heureux, je suis reconnaissant, je suis plein de gratitude par rapport à tout ça. Et vraiment, j'ai l'impression d'avoir une bonne étoile, quoi. Moi, ce que j'essaie de dire dans le côté subjugué par toi, je suis subjugué par ta puissance de travail. Tu es un acharné. Ouais, c'est difficile. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, en fait. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit un labeur douloureux. Donc, j'ai pas l'impression de déployer une puissance de travail immense. Après, effectivement, encore une fois, quand je regarde derrière moi, quand je regarde, enfin, cette année, mais c'est drôle parce que tous les 6 mois, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ces 6 derniers mois? Et du coup, j'en viens à faire des statistiques de moi-même, c'est très très bizarre. Je me dis, ah oui, bah quand même, là, ces 12 derniers mois, j'ai joué plus de 100 fois mon spectacle. J'ai eu la chance de faire toutes ces lettres ou ne pas lettres qui ont été éditées en livre. Là maintenant, ouais, enfin, tu le disais, je suis sur Europe 1 et je fais une chronique par semaine. Donc effectivement, quand même, il se passe plein de trucs, mais finalement, comme il y a tout le temps quelque chose à faire, en fait, je prends pas trop le temps De t'arrêter de regarder. de m'arrêter de regarder. Ouais, exactement. Ouais, je continue sur la route, sans bien trop savoir où elle mène. Mais je dis souvent, en fait, on me dit fréquemment, et notamment des copains du métier qui me disent, mais c'est incroyable, on a l'impression que tu as tout prévu à l'avance. Et alors, en fait, je leur dis, mais alors pas du tout, enfin, c'est vachement drôle, parce que moi, j'ai l'impression de ne pas le vivre comme ça. J'ai un peu l'impression que ces 4 dernières années, c'est des longues périodes d'insouciance et de très très brefs moments de grande lucidité. C'est-à-dire, il y a eu un moment où j'ai vu mon étoile, voilà, cette fameuse bonne étoile dont on parlait. Et puis je me suis dit, ah ok, donc ça veut dire que c'est là la route. Alors ok, bon bah je baisse la tête, je continue à travailler, je laboure mon champ, et puis de temps en temps je relève la tête et je me dis, ah bon bah je suis plutôt sur le chemin de l'étoile, ou alors bah ah bah tiens, je me suis un peu détourné, je reprends un petit coup sur la droite ou sur la gauche, et puis on continue le chemin. J'ai l'impression parfois que tu aurais presque peur que ça s'arrête. Ah oui, mais c'est pas enfin comment dire Parce que tu es un grand angoissé en fait. Ouais, ben oui, enfin oui. C'est-à-dire là, quand je disais un peu, je subis ce que je suis. Là, je subis ce que je suis. C'est-à-dire que tous les gens qui me côtoient, qui sont des proches et qui me voient à Avignon, savent qu'à Avignon, je suis en permanence en train de me demander si le lendemain je vais avoir du monde dans ma salle. Je suis en permanence en train de me dire, il faut que j'aille flyer. En fait, c'est devenu une Alors sorte de besoin. que ta salle est pleine à 3 jours, quoi. Non, pas tout. Non, mais pas toujours, en fait, parce que j'ai toujours été dans des salles qui étaient vachement grandes, tu vois. Et ça se passe super bien pour moi et j'en suis très heureux. Mais ça a toujours été objectivement enfin, j'ai toujours été un peu plus ambitieux que de raison, tu vois, à Avignon. De démarrer dans une salle de 120 places, c'était déjà sacrément ambitieux. Et puis après d'aller tout de suite dans un 200 places. À un horaire difficile, enfin un horaire difficile, ouais, c'est-à-dire c'est l'horaire du matin où tout le monde met son gros spectacle. Donc, enfin, il fallait quand même qu'il y ait des gens dans la salle. Et c'est-à-dire, c'était pas par zèle que je le faisais. C'était pas pour me montrer et pour dire je suis sur le terrain, quoi. Je le faisais parce qu'il y avait une vraie nécessité à ce que ma salle soit pleine et parce que pour moi, Avignon contient cette folie-là, en fait. Ce qui fait aussi le sel d'Avignon et sa beauté pour moi, c'est aussi ce travail-là. D'aller à la rencontre des spectateurs. Et c'est en ça, en fait, que ça rend humble pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, ça me redonne à moi l'explication et la raison d'être de pourquoi je fais ce métier-là. C'est le partage, l'échange et surtout ce facteur humain. Et c'est quelque chose qu'on vit moins dans les séries de représentation à Paris, qu'on vit davantage en tournée, parce que en tournée il y a cette chaleur-là et puis les gens ont très envie de qu'on poursuive après le spectacle, qu'on échange, etc. À Paris c'est un peu moins le cas, ce que je comprends très bien aussi. Hein, enfin, c'est pas du tout un jugement de valeur. Mais à Avignon il y a ce truc-là de, mais c'est, enfin c'est tellement beau, c'est tellement joyeux. Moi c'est une manière pour moi de profiter, en fait, de me dire, pendant un mois, les gens sont tous réunis pour aller voir du spectacle. Enfin, il y a plein d'écueils dans Avignon. Avignon, c'est comme Dallas, quoi. C'est un univers impitoyable. Mais il y a quelque chose de l'ordre du paradis aussi dans ce truc de se dire, il existe un endroit dans le monde où chaque été, pendant un mois, des gens se réunissent par centaines de milliers pour du spectacle, pour de la culture et de l'art. Moi, j'ai envie de dire que je profite et je participe à la fête, en fait, en allant flâner. aussi. C'est drôle parce que dans l'épisode précédent, dans l'épisode 5, j'ai échangé avec Nicolas Maury, qui est lui aussi humoriste, et on a beaucoup parlé du Festival d'Avignon, et il en parle à peu près avec les mêmes mots que toi. Tu vois, même s'il il est parfois un petit peu plus cinglant parce qu'il avait créé un spectacle, un one man qui s'appelait Fuck Off, qui a cartonné pendant 3 ou 4 ans, où il dénonçait tous les petits travers aussi de Bien ce sûr. festival. Mais avant tout, il en parle énormément avec amour. Alors, ton spectacle, c'est pourquoi? Et moi, j'ai plein de pourquoi pour toi. Est-ce que tu vas être capable de me donner tous les parce que? Je suis meilleur pour les questions que pour les réponses, hein. Mais allons-y. Pourquoi Michael Hirst est devenu comédien? Parce que je vais pas parler de moi à la troisième personne, hein, on n'y est Non, pas non, non, encore. non, mais c'est moi. Parce que j'ai toujours aimé les histoires, j'ai toujours aimé qu'on m'en raconte et j'ai toujours aimé en raconter. Et je trouve ça plus nourrissant que la réalité telle qu'on nous la propose aujourd'hui. Et puis parce qu'en étant comédien, on échappe un peu justement au monde tel qu'il est. Et je crois que c'est une chance en plus, d'une certaine manière, de pouvoir vivre plusieurs vies en une. Et pourquoi tu t'es pas arrêté à être seulement comédien et que tu es aussi devenu auteur? Parce que je déteste être dépendant des autres, tout simplement. Alors là, c'est vraiment une névrose qui me poussait à faire ce que je fais. Hein. Non, c'est parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très impatient. Et je me souviens du premier jour où je suis arrivé dans mon école d'art dramatique. J'étais chez Jean-Laurent Cochet et j'ai vu tous ces gens comme moi, en fait. Et alors moi, je sortais d'école de commerce, donc dire à la sortie d'école de commerce, je veux devenir comédien. En fait, c'est génial parce qu'il y a un truc où ça flattait vachement mon ego de me sentir différent, en fait. Je me dis, ouais, je suis différent. Et puis là, j'arrive dans une pièce et on me dit, bah non, mais il y en a 80 des comme toi. C'est horrible, mais c'est horrible. Et puis là, le directeur. Dans ce cours-là, il n'y en a que 80 déjà, dans ce cours-là. Voilà, c'est ça. Et le directeur monte sur scène et dit, alors bon, je préfère vous prévenir, on est 80 aujourd'hui. S'il y en a un dans toute cette promotion qui sort et qui fait ce métier, ce serait une promotion formidable. Et là, je me dis, oh là là là. Et je voyais tous ces gens dès les premières semaines, en fait, qui disaient, oui, moi j'ai un agent, et je vais probablement passer des castings, mon agent doit m'en rappeler pour un casting, etc. Et je me disais, mais finalement, en fait, enfin, comment on peut travailler, en fait? Comment on a à faire ce métier? Et en fait, je sentais un truc de me dire, si je fais ça, je vais pas tenir, en fait. Je vais exploser en vol, ça va pas durer 2 mois. Je ne tiendrai pas. C'est au-dessus de mes forces, en fait. Et j'avais déjà écrit une première version de pourquoi. Et donc, justement, cette bonne étoile dont on parlait tout à l'heure, ce moment de lucidité, à la fin de mon école de commerce, quand j'avais joué une première version de pourquoi, je m'étais dit, comédien, c'est un métier. Ça s'apprend. Il n'y a pas de raison que tous les autres arts classiques s'apprennent et que l'art dramatique ne s'apprenne pas. Et quand j'ai découvert justement Jean-Laurent Cochet, je me suis dit, ah bah voilà, là, il y a quelque chose qui me parle dans sa manière d'évoquer le métier. Et je me rendais compte que même si j'avais envie de devenir humoriste, tous les grands humoristes pour qui j'avais beaucoup d'admiration étaient avant tout des immenses comédiens. Et je me suis dit, bah voilà, je vais apprendre l'art classique, en fait. Je vais apprendre ça et puis on verra ensuite. Avant de faire mes projets, mes trucs, etc., j'ai comme modèle Gainsbourg ou par exemple Picasso, qui sont des gens qui, enfin, Gainsbourg a énormément étudié la musique classique avant de commencer, lui, à faire ce qu'on a appelé de la variété et qui, va finir par devenir de la musique classique aussi, hein. Donc c'est ça ce qui s'est passé et qui fait que je suis pas resté que comédien et où à un moment j'ai eu envie d'écrire des histoires. Et puis là maintenant, je commence à écouter de plus en plus mes envies. Alors il y a une histoire de temps qui me paraît me manquer un peu, mais c'est toujours une affaire de toujours une affaire de jeu de construction, cette histoire. Il suffit juste de mieux réorganiser les briques et on trouve un peu de temps et c'est se rendre disponible à soi-même qui compte, mais c'est pas à toi que je vais apprendre ça, parce que dans l'écriture, je pense que, et dans la création, c'est ce que tu cherches aussi. Oui, et je pense que même en ce moment, aussi avec la création de ce podcast, je milite pour l'histoire de prendre son temps. Beaucoup de gens me disent j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je considère que tu ne prends pas le temps. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est aussi une histoire de réorganisation de ces petites briques. Et à partir de là, on peut à mon avis, réalisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Non, c'est intéressant. J'entendais il n'y a pas très longtemps à propos de cette histoire du temps, parce que c'est quelque chose qui me, qui, enfin, sur lequel je me questionne beaucoup. Et il n'y a pas très longtemps, j'entendais une histoire comme ça d'un type que j'ai rencontré qui m'a raconté qu'il avait eu la chance de rencontrer André Gide, mais il y a longtemps. Et André Gide était une des premières personnes, je crois, à avoir le téléphone à Paris. Et donc, il a la chance de le rencontrer, il va chez André Gide, ils ont un échange ensemble, et puis le téléphone sonne. Et donc, ce monsieur s'arrête et lui dit, bah, Monsieur Gide, si vous voulez, décrocher. Et André Gide lui a répondu, il dit, ah non, moi, on ne me sonne pas, je ne suis pas un domestique. Et en fait, ça a créé un électrochoc en moi, c'est-à-dire que dans cette histoire de prendre le temps, il y a aussi le fait de se réapproprier le temps. Ne pas en faire sa propriété, je crois, mais se réapproprier le temps. C'est une chose que je trouve assez intéressante. Et pourquoi justement alors? Oh, mais ça, c'est moi, quoi. Enfin, c'est ma personnalité, c'est ce que je suis, hein. C'est terrible parce que je me suis dit, après 4 ans de spectacle, je me suis dit, ah, bah, peut-être que tu as progressé quand même là-dessus. Puis je me rends compte en ce moment que j'ai toujours besoin de me poser la question du pourquoi. J'ai toujours besoin de me rappeler le pourquoi du comment. Et puis en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le pouvoir des questions, quoi. Alors c'est un peu, ça paraît très naïf, hein, comme ça. J'entends, c'est pas grave. J'assume ma part de naïveté, mais les plus grands philosophes grecs ont commencé par des questions, et je crois que, enfin, c'est profondément inscrit dans notre esprit. C'est comme ça qu'on pense, en fait. Qu'on pense et qu'on se dépense aussi par les questions. Et le pourquoi recèle une forme de magie. C'est-à-dire qu'à la fois, il permet de mettre en avant l'absurdité du monde, et Dieu sait qu'il y a de quoi faire, et en même temps, c'est une sorte de porte ouverte. Et quand on écrit, les portes ouvertes, on adore ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouvre une porte et qu'on se dit, tiens, là, il y a le pouvoir d'écrire quelque chose, il y a le pouvoir d'une fiction, il y a le pouvoir de créer un univers, d'emmener les gens dans une fantaisie. Et pour moi, c'était très important, je le disais avant, je suis devenu comédien pour raconter des histoires, et étant plus jeune, je regardais beaucoup d'humour. Et c'est ça qui m'a fasciné chez Raymond Devos, en fait. Est-ce que tu l'as vu? Non, je l'ai jamais vu. Moi, je l'ai vu deux fois. J'ai eu la chance de le voir deux fois. Ah, génial. Et bon, je suis un peu plus vieux que toi, même si j'ai 27 ans. Ouais. À l'époque, même, je travaillais énormément le clown et la comédie dell'arte. Je travaillais aussi la pantomime à Ouais. l'époque. Donc, on était au début des années 90. Et c'était tellement. J'ai la sensation physique de ces spectacles, de ces représentations. Ouais. C'est-à-dire dans quel état j'étais, comment je regardais dans ces deux salles avec la tête tournée un peu en l'air, tu sais, comme quand on va à l'église Ouais. et qu'on lève la tête vers la grande croix, tout ça. Et il y avait ce type qui était énorme, mais énorme, je ne sais pas combien il pesait, Raymond Devos, et qui flottait sur le plateau, qui était d'une légèreté. Et je connaissais ses sketchs par cœur. Et il y avait une telle grâce chez ce type qui était. Il y a une dimension chez Devos, je trouve dont on parle pas beaucoup. Au-delà, et déjà c'est pas rien de ce clown poète, ce clown philosophe incroyable, c'est que c'est un homme de music hall en fait. Son spectacle est un spectacle de music hall. Il est le fruit de cette culture du spectacle, qui est quelque chose qu'on a pas mal perdu. Et là encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plus les enfants des comedy clubs que les enfants du music hall. Mais ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on va pas y revenir, hein. Il y a quelque chose de l'ordre du grand spectacle chez Devos. Et qui moi, me plaît beaucoup. Et tu vois, quand tu me disais que j'étais un travailleur acharné, c'est qu'en fait, je ne cesse de voir des endroits où je peux travailler. Tu vois, je ne cesse de découvrir des choses à améliorer. Ce que je vis là en ce moment avec le spectacle est assez stupéfiant, quoi. C'est-à-dire, je m'étais dit, voilà, je suis à la 400e du spectacle maintenant. Je m'étais dit, bon, bah, Ça va, je le connais quoi, mon spectacle. Et en fait, je me rends compte qu'il y a encore. Enfin, c'est là maintenant, j'ai une quasi-certitude, c'est que c'est sans fin. On peut, à un moment, ça je l'entends très bien, se sentir las d'un spectacle. J'ai la chance que ce soit pas du tout mon cas avec celui-là. Donc, pour l'instant, je prends infiniment de plaisir à continuer. Mais je crois qu'on a toujours à apprendre et je trouve que c'est d'ailleurs une assez belle leçon, la leçon du geste répété, qui est un truc qu'on cultive pas beaucoup en Occident. Et alors toi, qui pratiques la musculation, tu sais ce que c'est. Et c'est un truc qu'on fait beaucoup en Orient et qui est vraiment quelque chose de très beau, parce que cette quête perpétuelle de la nouveauté, me paraît être un drôle de truc, enfin, qui n'est que source, à mon avis, de désillusion et de malheur, enfin, en grande partie, pas que, mais beaucoup. Et en Orient, on parle beaucoup chez les Japonais, dans les arts japonais, de la répétition. C'est Bartabas qui fait travailler à ses cavaliers le tir à l'arc japonais pour apprendre cette répétition, la beauté de la répétition, du beau geste bien fait, sur lequel on ne va pas chercher le résultat, mais l'intention. Enfin, c'est quand même des leçons pour nous autres comédiens, et auteurs aussi, d'ailleurs, très, très, très, très puissantes, très profondes. Dans Pourquoi, il y a aussi un autre personnage. Je parle d'Yvan Calberac. Bah, Yvan, il a apporté en fait à ce spectacle de l'expérience, du savoir-faire, quoi. Ce qui me manquait. Je suis venu avec des idées, ce spectacle, la trame de ce spectacle, pourquoi, qui a existé dans une toute première version. Et quand Yvan, il l'a vu, en fait, la rencontre a été assez puissante parce qu'il a dit au sujet de ce spectacle ce que personne ne m'avait dit. Et c'était ce que j'aurais espéré qu'on me dise de mon travail et de mon spectacle. Et donc, il a su par ses mots en fait me convaincre. J'ai même pas eu trop à chercher à me convaincre qu'on essaye des choses ensemble. Mais en fait, le surlendemain du jour où il est venu, on s'est assis dans un café. Je me souviens très bien. Et tout de suite, on a pris l'ordi, on a commencé à écrire des trucs ensemble, quoi. Et ça marchait. Mais tout de suite, il y a eu un truc où je disais ouais, bah il est vachement respectueux de mon avis, alors que c'est quelqu'un qui a déjà fait 1000 trucs dans sa vie, qui a pas du tout besoin de ça, quoi. Enfin, qui a pas du tout besoin de venir travailler avec un jeune humoriste, parce qu'en plus, enfin, au début, enfin, il y avait rien à y gagner, à part le plaisir de travailler ensemble, quoi. Et ça a vachement pris, et il m'a amené tellement, tellement de choses. Il m'a amené de la confiance, il m'a amené du plaisir aussi dans le travail, parce que c'est pas toujours un truc qui est évident pour moi, enfin qui était évident pour moi. Et c'est génial parce qu'en fait on avance ensemble sur ce spectacle. Est-ce qu'il t'est arrivé de te retrouver dans une salle Ouais. qui n'était pas réceptive du tout à tes jeux de mots ou à ton univers tout simplement? C'est arrivé, mais il y a un exemple que je cite de temps en temps quand on me pose la question. C'est la première expérience qu'on a vécue de collaboration avec Yvan. On venait de réécrire le spectacle, quasiment dans son intégralité. Enfin, on avait beaucoup, beaucoup retravaillé. Et je suis invité dans le sud de la France pour faire un truc. Ça aurait pas dû arriver. Ça n'aurait pas dû se passer. C'est-à-dire, on m'a demandé de faire. Tu es arrivé à Béziers, tu as commencé à Non, faire de non. l'humour sur... C'est même pas ça, mais on m'a demandé de faire. On me dit, tu vas faire un palais des sports. Je dis, mais c'est génial, ma première scène en tournée, c'est un palais des sports. Je me dis, mais ça y est, quoi, j'y suis, quoi. C'est comme dans les DVD des grands humoristes. Et en fait, bah, c'était un grand gymnase, le palais des sports, ni plus ni moins. C'est ça, un vrai palais des sports, quoi. C'était pas Bercy. Et en fait, c'était la soirée du personnel d'une mairie, du personnel municipal. Et en fait, les gens n'étaient pas du tout là pour voir un spectacle comme le mien. Les gens, ils étaient là pour picoler, pour dîner, pour danser, se bourrer la gueule et choper la secrétaire. En gros, c'était ça, le projet de la soirée. Et alors, moi, au milieu de ça, avec Avec mon espèce d'humour tendre et bienveillant, mais je n'avais rien à foutre dans cet endroit-là. C'était vraiment, mais c'était mais totalement incongru. Et je me souviens, entre chaque sketch, je me disais, c'est long, là, tout ce qui se passe est long, tout. Tous les temps sont longs, les silences sont très silencieux. J'avais les 10 élus qui étaient devant, assis, qui me regardaient, les gens derrière n'en avaient rien à foutre. Je voyais les gens qui partaient toujours un peu plus loin parce qu'ils avaient envie de parler entre eux. En fait, ils s'en foutaient de mes blagues, ils n'en avaient rien à foutre. Et puis, entre chaque sketch, ça applaudissait de plus en plus fort, un peu comme quand les premières parties marchent pas bien et qu'on dit, vas-y, c'est bien, mais maintenant tu peux partir. C'était bien. S'arrêter là-dessus. Et puis je commence un sketch qui était l'avant-dernier, et là j'entends un type à l'autre bout de la salle qui était saoul et qui me dit, mais il va la fermer, sa gueule. Et ce moment-là était incroyable dans ma tête. Je me suis dit, survie à ça, survie à ça, tu n'en seras que meilleur, mon ch cher. Et voilà, donc oui, c'est arrivé des soirs où il y a eu des erreurs de casting, et puis il y a eu des soirs où ça prenait pas, où la mayonnaise prend pas. Et je crois que ça arrive à tout le monde, en fait. Oui, bien sûr. C'est jamais ça ne rend pas forcément les choses plus simples de se dire ça arrive à tout le monde, hein, mais ça arrive à tout le monde. Le théâtre, c'est aussi une rencontre, et puis toutes les rencontres ne se font pas bien. Quand j'en parle avec des copains, je leur dis, vous savez, moi, mon métier, c'est Tinder, en fait. C'est-à-dire que tous les soirs, je match un nouveau public, et puis bah c'est comme sur Tinder. Il y a des fois ça match complètement, et puis des fois c'est plutôt échec et match, et ça marche pas du tout. Est-ce que dans l'humour, t'as peur qu'on t'enferme dans cette case de vos siennes, on va dire ça comme ça? Bah c'est un risque. Après, c'est une chance aussi. Qu'on compare mon travail à ce que faisait Raymond Devos ou à ce que fait Stéphane de Groot, franchement, j'en suis hyper honoré. C'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. J'essaye de faire que mon travail ne soit pas que le jeu de mots, même si je ne cache pas que c'est un vrai plaisir pour moi, le jeu de mots. Voilà. Donc j'y prends beaucoup de plaisir. Le jour où j'y prendrai plus plaisir, je ferai autre chose. Après, je crois que c'est pas la seule chose que je sais faire et que j'ai envie de faire. Enfin, on est un peu prisonnier de notre cerveau, hein, là, et puis de notre culture aussi. Notre cerveau a toujours besoin de faire des comparaisons avec des trucs qu'il connaît. Alors, les gens comparent à De Vos. De comparer à De Vos, ça permet de pas trop décrire, ça fait gagner des mots dans les articles, et puis c'est une référence, quoi. Et puis encore une fois, je le prends très bien. Enfin, je le prends bien, quoi. Je suis très très honoré de ça. Et puis notre culture française est comme ça, quoi. On a besoin Mais de nous classer, de mettre derrière, dans une case. dans une case, j'entends, ouais, tout à fait, parfaitement. Je vois très bien même. Derrière ma question, il y a, est-ce que ça te fout pas la pression pour la suite? Bah oui, bah probablement, mais tu sais, en fait, le truc, c'est que je suis pas dans la suite, et quand on me dit, tu sais, le plus dur, c'est le deuxième spectacle parce que tout le monde t'attend, j'entends très très bien cet argument, mais Ouais. je leur réponds, vous savez, déjà, le premier spectacle, c'était pas évident parce que personne m'attendait. Et c'est toujours pas évident parce que personne m'attend, en fait. Le monde marche très bien sans moi, il y a déjà plein d'humoristes, que je sois là ou que je sois pas là, il y a déjà plein de spectacles sublimes à Paris et en province, dont on a envie de parler, et il y a déjà plein d'occupations que les gens ont envie de pratiquer et qui sont pas pourquoi au studio des Champs-Élysées. Dans le Lloydcast, il y a un petit personnage récurrent. C'est une petite souris. Et cette petite souris vient chez toi et elle te découvre en train de travailler. Qu'est-ce qu'elle voit? Alors la petite souris, elle va avoir un torticolis parce que je bouge tout le temps quand je travaille. Je suis en permanence en train de me parler. Je pense que si je me mettais une caméra comme tu faisais un moment toi où Ouais. tu faisais un Un je peux time-lapse. ouais, un time-lapse, je pense que ça me rendrait dingue de me dire mais qu'est-ce que tu bouges, qu'est-ce que tu perds comme énergie. Il y a des rituels, ouais, j'essaye d'avoir une petite routine. J'y crois de plus en plus, en fait, à une sorte de routine d'écriture, une routine de travail. Pour me canaliser, en fait. Donc, j'essaye de d'écrire 3 pages par jour, qui sont une sorte d'exutoire pour démarrer ma journée. qui est un truc que j'ai découvert chez Julia Cameron, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Libérez votre créativité, et que Oui, et puis c'est le je... flot de pensée. Ouais, Tu et écris qui le est... flot de pensée, ouais. Ouais. Exactement, qui est super. Là-dedans, il y a plein de choses qui sont sorties là-dedans et qui m'ont servi pour d'autres choses. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que c'est quand on veut pas écrire quelque chose d'utile que c'est utile. C'est une jolie leçon. Après, là, dans mon travail aujourd'hui, j'écris énormément utile. C'est-à-dire que c'est beaucoup tourné autour de mes chroniques et des réécritures de mon spectacle quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Bah, mes chroniques sont beaucoup à base de presse, quand même, de faire le tour de la presse, de savoir ce qui se dit, ce qui se fait. Donc ça me prend pas mal de temps. Et puis, en parallèle de ça, j'essaye toujours d'avoir à portée de la main des choses qui m'inspirent, des auteurs qui m'inspirent. Là, en ce moment, je suis en train de relire, enfin, je suis en train de relire des San Antonio, et je prends un plaisir fou. C'est génial, j'adore. Et alors après, comment les chroniques se font? Dans la méthode d'écriture, il y a pas vraiment de méthode. Aujourd'hui, j'essaie de me forcer dans une méthode un peu plus journalistique de trouver un angle, trouver vraiment l'angle que j'ai envie de donner à la lettre. Et quand tu écris sur ordinateur, est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce que tu bois quelque chose de particulier? Non, ça fait pas partie d'un Alors, il n'y a pas rituel. de musique. Il n'y a pas de musique parce que ça me gêne quand j'écris, parce que je me parle tout le temps en fait. Pour justement, il y a une les jeux de mots peuvent être très visuels et très auditifs aussi. Et du coup, j'ai besoin de les entendre. En fait, j'ai besoin de me les parler pour savoir s'ils fonctionnent et pour entendre le mot dans aussi toutes ses possibilités. Donc non, surtout pas de musique. Il y a souvent quelque chose à boire avec moi. Ça peut être Là, c'est pas là, là non plus, là tu prends pas le Perrier pamplemousse. non, pas de Perrier Pamplemousse, mais tu vois, mais ça m'a donné envie d'un Perrier Pamplemousse. Je vais sortir m'acheter du Perrier et du jus de pamplemousse, enfin, du sirop de pamplemousse après le livecast. Non, du thé, de l'eau, beaucoup d'eau, mais ouais, une boisson pas loin. Et Une chronique te prend combien de temps à écrire? tu me je en général 2 jours. D'accord. Il y Une a deux. chronique, pour une chronique de 3 minutes, 2 Ouais, minutes. ouais, Ouais. Est-ce que c'est quoi tes grandes. Enfin bon, on en a un petit peu parlé d'ailleurs en amont, mais tes inspirations, je dirais, tes maîtres et ton inspiration au quotidien, c'est quoi? de la musique. Je le fais de plus en plus en ce moment, en fait, d'écouter de la musique, de prendre le temps vraiment d'écouter. Parce que j'avais cette fâcheuse tendance à avoir toujours de la musique dans mes oreilles. Quand je prends le métro, etc., mais sans jamais vraiment écouter, ou c'est de la musique de fond comme ça. Et en fait, non, non, d'écouter de la musique, de me laisser porter par ce qui se passe en moi avec cette musique. Et je sais que c'est amusant parce que c'est un peu par toi que j'ai découvert ça, en fait. C'est en voyant la passion que tu avais pour David Bowie et ce que ça a généré en toi, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si toi, tes œuvres étaient comme des buvards, en fait, tu vois, très imprégnés de Bowie, ou d'autres certainement. Oui, bien sûr. Donc la musique, Moi, pas mal. j'ai quasiment une playlist pour chacune de mes pièces, moi. Donc, Ah ouais. ouais, je crée des playlists lorsque j'écris. Ouais, mais c'est un truc auquel je crois vachement. Je pense que c'est là où j'en suis aujourd'hui dans mon travail, où je me rends compte que j'ai besoin de me nourrir d'autres arts, en fait. Et puis j'achète tellement de livres, en fait. Je me désespère à acheter tellement de livres. Cette pile de livres qui ne fait que grandir, je me dis, en fait, elle ne pourra jamais baisser. C'est impossible. Le seul moyen qu'elle baisse, c'est que je prenne cette pile avec moi, que j'aille m'installer dans un endroit où il n'y a pas de librairie. Pas Amazon, pas la Fnac, où il n'y a rien, où je ne peux pas acheter de livres. En Lozère, Et non? ouais, en Lozère, absolument, Mais possible. Et tu fais ou même penser dans une à. centre. Non, non, enfin, aussi, sûrement, mais un tout petit peu plus proche de moi, parce que peut-être que toi tu connais Sylvain Tesson, mais pas moi, à Stéphane Titeka, Ouais. qui est lui aussi auteur, que je salue d'ailleurs, parce que je sais qu'il écoute beaucoup ses podcasts, ses podcasts, et je sais que lui, c'est un dévoreur de bouquins extraordinaire. Et je pense que Ouais. c'est comme toi, il doit avoir une pile de fous Ouais, et furieux moi, mais ça aussi. s'arrête jamais, quoi. C'est. Quand est-ce qu'on te verra un jour dans une pièce classique? Quand je dis classique, quand est-ce qu'on te verra Ouais, dans une pièce bah, je avec sais d'autres tu comédiens? Enfin, peux. moi, je t'ai vu à Avignon tu avais un petit rôle dans une pièce qui s'appelait Le Paquebot. Tenacity, ouais. Exactement. Voilà. Est-ce que t'aurais envie un jour de te retrouver avec On m'en a des proposé, on m'en a. partenaires? Ouais, bah, j'adorerais, ouais. J'adorerais. J'adorerais. Pour moi, ça fait partie de la continuité de ce que je fais aujourd'hui. Enfin, c'est pas du tout des choses antinomiques. J'ai très envie de retravailler avec des copains sur scène, en fait. D'une certaine manière, je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais, mais parfois la solitude du one man me pèse un peu et je serais content aussi de retrouver des copains. Et du coup, bah, je suis très, enfin, je On m'a proposé des choses ces derniers temps, mais alors là, il y a un problème d'agenda, en fait. Peut-être l'année prochaine, j'en sais rien, en fait. Je dis peut-être j'aurai un peu plus de temps. Pour l'instant, on est parti pour faire une année de tournée, et il y a déjà des dates qui sont fixées, mais enfin, si on me propose des choses, je sais que on s'est laissé la, enfin, je me suis laissé la place aussi de pouvoir participer à d'autres projets. Est-ce que tu as une petite chaîne YouTube Oui. et sur laquelle, en très peu de temps, tu t'es mis à avoir quelques milliers de followers? Et justement, c'est là-dessus que tu as créé un peu tes lettres et ne pas lettres. Est-ce que tu penses que ça t'a servi justement ensuite pour pouvoir entrer dans ces chroniques, etc.? Ah ouais, bah ouais. Tu as pu Ça tester m'a. beaucoup de choses et avoir des retours. J'ai testé beaucoup de choses, j'ai eu des retours, j'ai appris à écrire vite, j'ai appris à couper aussi dans mes élucubrations. J'ai toujours plutôt tendance à faire long qu'à faire court. C'est pas ce que disait ta femme, mais... Oui, effectivement. Tout sauf dans l'intimité. Et en fait, ça m'a permis aussi, bah, de me faire connaître. C'est comme ça que, bah, le Huffington Post est venu me chercher en voyant mes lettres. Plon, l'éditeur, est venu me chercher et on a publié les lettres. Et puis, Europe 1, en fait, en voyant les lettres, ils ont dit, mais ça nous plaît comme concept, on adore, ramène ça à l'antenne. Donc pour le Donc, coup, cette chaîne YouTube a été un vrai tremplin pour toi, quoi. ouais. Qui a dit, du moment qu'on rit des choses, elles ne sont plus dangereuses? Probablement pas Nadine Morano, probablement pas, ni Laurent Wauquiez. Non, effectivement, c'est Raymond Devos. Ouais. Et je trouve que c'est une phrase qui te va tellement bien. Je trouve que... Comme tu justement arrives à rire des plein de choses, parfois un petit peu difficiles, tu es capable de les rendre enfin, simples, humaines. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre à travers ça. Il y a beaucoup de Oui. tendresse, c'est cette manière que tu as de signer, en fait, tendrement. Ouais. Je trouve que c'est ça, en fait, qui se dégage chez toi. Bah, écoute, ça me fait plaisir. Est-ce qu'on en parle de ta ressemblance avec Bradley Cooper? Mais parlons-en, parlons-en. Est-ce Bah, qu'on je en sais parle? Bon, pas. Bradley Cooper qui aurait bouffé du saucisson, mais... C'est en train de se terminer cette période, cher Lilian. C'est-à-dire que tu appliques mon programme de sport, ça y est, enfin? Absolument. Très Absolument. bien. Je fais 3 heures de musculation chaque jour. Il y a une phrase que je donne aux gens de théâtre que j'ai la chance, avec lesquels j'ai la chance d'échanger. Le théâtre, c'est... Est-ce que tu es capable d'aller au bout de cette phrase, toi? C'est une sacrée aventure. D'accord. Alors, on va terminer par quelques petites questions que je donne à tous mes invités. Si tu gagnes au loto, quelle est ta réaction? Je suis content. Je suis content parce qu'en plus j'ai pas joué. Alors du coup, je suis très surpris. Je suis très très surpris de ce qui m'arrive. Et je vais chercher l'argent. Je fais comme si ça faisait des années que je jouais. Puis une fois que j'ai l'argent, alors là, je sais pas. Tout Je dépend. Tout dépend combien je gagne. Tiens, il y a un super proverbe africain que j'ai entendu il n'y a pas longtemps et qui dit ce qui se compte n'a pas de valeur. C'est amusant d'ailleurs parce que dans plein de pays africains, les hommes blancs, ils les appellent tous du même nom, j'ai plus le mot en tête. Et en fait, c'est ceux qui comptent. C'est ça ce que ça veut dire, en fait. Ça veut pas du tout dire blanc de peau, c'est ceux qui... D'accord. Parce qu'en fait, quand les hommes blancs sont arrivés là-bas, c'était ceux qui comptaient tout le temps. C'est pas si dit. Non, Non, c'est non, pas ça. je sais plus. Bon. Y a-t-il un livre ou un film ou une chanson qui a changé ta vie? Au suivant de Brel, ça a un peu changé ma vie. Ouais. Si tu n'écrivais pas, si tu n'étais pas comédien, qu'est-ce que tu ferais? Là en ce moment, je me dis, mais ça doit être mon délire de bobo gaucho, je ferai de la permaculture. Ou alors, mais ce qui n'est pas loin, et c'est pas impossible que ça finisse par arriver, je deviens éleveur de bonsaï. Tu leur apprends à bien donner la pâte. Absolument. Ouais. Exactement. Quel est ton plus bel échec? Bah, ça s'appelle la vie, je crois, le plus bel échec. Quel est ton endroit préféré au monde? Mon lit. Il y a un mot anglais qui s'appelle le motto, qui est un peu la phrase de motivation, la devise, etc. Mais je préfère le garder en anglais parce que je l'aime beaucoup comme ça. Quel est ton motto? Y en a plusieurs. Il y en a un qui est une phrase d'Alphonse Allais qui dit l'homme est plein d'imperfections. Mais on ne peut qu'être indulgent si l'on songe à l'époque où il fut créé. Et il y en a un qui est un peu mon motto en ce moment. Je crois beaucoup à la valeur de l'enthousiasme, en fait, et de cette petite flamme qu'on a en nous et qu'on peut étendre ou éteindre et qu'il faut nourrir et vraiment comme un feu intérieur. Et du coup, mon petit motto du moment, c'est être une flamme libérée, c'est pas si facile. Quel est ton mot préféré? Il n'y en a pas. Ça, en ce moment, c'est pourquoi? Ça, c'est juste pour moi. Qu'est-ce que dirait Fabrice Luchini de Michael Qui ça? Hirsch? C'est ça ce qu'il dirait. Alors, ton actualité, c'est pourquoi au studio des Champs-Élysées, du mardi au dimanche, c'est ça? Ouais, du mercredi au dimanche. Pardon, du mercredi au dimanche. T'as les chroniques sur Europe 1. Tu as deux livres qui sont édités, donc le pourquoi du spectacle. Enfin, peut-être même ancienne version, parce que je crois que tu as pas mal retravaillé Ouais, aussi avec. on est en train de peaufiner la nouvelle version du livre de Pourquoi. D'accord. Et les lettres qui sont aussi éditées chez Plon. Lettre ou ne pas lettre chez Plon. Voilà. On peut te suivre sur tous tes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et YouTube, même si en ce moment sur YouTube, t'es pas forcément très actif pour le Non, coup. mais je mets toutes les vidéos d'Europe 1 sur ma chaîne YouTube Ouais. et sur Twitter aussi. Voilà. Donc on peut te retrouver là-dessus, parce que tu as aussi des sessions dans des Fnac, etc., pour voir aussi tes dates de tournée. Je crois que Oui. t'as encore beaucoup de dates de tournée. Il y a pas mal de dates de tournée qui sont en train de se programmer sur l'année prochaine, ouais. Merci en tout cas, Mickaël, d'avoir passé ce long moment avec moi, ce long moment avec nous. Merci. Si vous êtes arrivé au bout de ce Lloydcast, Ouais, de cette partie du Lloydcast, dites-le à vos petits-enfants. Vous faites partie des voilà, vous pouvez dire je suis allé au bout de ce Lloydcast avec Mickaël Hirsch. avec Mickaël Hirsch. Voilà. Bon, en tout cas, merci, merci Merci à énormément. toi. Merci infiniment. Quant à toi, la compagnie, merci encore aussi pour tous les retours que tu me fais sur chacun des épisodes. Tu peux donc laisser tes commentaires sur PodCloud, sur iTunes, c'est important, tu peux mettre un petit 5 étoiles ou sur mes réseaux sociaux. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, porte-toi bien. Salut, la compagnie.